Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'affaire des Verriers-de-Givors, une petite ville près de Lyon. Depuis la fermeture de leur usine en 2003, des ouvriers meurent tour à tour d'une épidémie de cancer. Les survivants ont enquêté, rassemblé les preuves et trouvé les coupables. Ils s'appellent amiante, silice, plomb, arsenic, hydrocarbures, aromatiques, polycycliques ou encore fibres céramiques réfractaires. Ces substances cancérogènes, les Verriers-de-Givors les ont inhalées et manipulées pendant des dizaines d'années sans en connaître les risques. En 2009, les chiffres tombent, accablants. Sur 208 ouvriers interrogés, 100 ont eu un cancer et 40 sont déjà morts. Statistiquement, la maladie touche 10 fois plus les Verriers que le reste de la population française. Alors, ces ouvriers ont décidé de se battre pour essayer de comprendre et faire éclater la vérité. C'est ce combat, cette résistance que nous allons vous raconter. Notre invité aujourd'hui, Pascal Marie Chalard, sociologue et historien, chercheur au CNRS. Il suit le combat des Verriers-de-Givors depuis 2013 et il a publié un ouvrage relatant leur histoire intitulé « Qui a tué les Verriers-de-Givors ?» aux éditions La Découverte. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Laigle. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Salvatore, Christian, Mohamed, Antoine, Calogero, tous ces ouvriers ont consacré leur vie à la fabrication du verre. Et tous sont morts du cancer. Après la fermeture de l'usine en 2003, ce sont ces anciens ouvriers qui disparaissent. De la Verriers-de-Givors, il ne reste plus que la grande cheminée en briques rouges. Dans cette ville populaire, située à une vingtaine de kilomètres de Lyon, le travail du verre est une tradition pluriséculaire qui date de la création de la verrerie royale en 1749. Pendant des décennies, la verrerie de la petite ville a attiré de la main-d'œuvre venue principalement d'Italie et d'Espagne. Malgré les progrès technologiques, les conditions de travail dans l'industrie du verre restent très difficiles. Projection de paille de fer, brûlures fréquentes, au rythme des 5-8, ces équipes, ces ouvriers travaillent dans une chaleur oppressante, à parfois plus de 50 degrés. Des conditions que l'on croirait sorties tout droit du 19e siècle. Comme les mineurs de Germinal, en effet, les ouvriers ressortent de l'usine la gueule noire, plein de poussière et de graisse. Leurs vêtements portent encore l'odeur âcre des ateliers. Mais ils sont fiers, oui, fiers de travailler dans cette verrerie, dans une ambiance de camaraderie. À l'époque, ils ne savent pas encore qu'ils s'empoisonnent chaque jour un peu plus avec des substances cancérogènes. À Givors, on est verrier de père en fils. Certains meurent avant même d'avoir atteint l'âge de la retraite. Mais on ne parle jamais de maladies professionnelles. Dans une ville où le chômage grimpe d'année en année, l'important, c'est l'emploi. Alors, quand en 2001, le groupe BSN, détenu par Danone et un fonds d'investissement, annonce la prochaine fermeture du site, la résistance s'organise. Mais malgré un long combat syndical mené par le leader CGT Christian Cervantes, l'usine ferme en 2003. 2 ans plus tard, nouvelle épreuve pour Christian Cervantes. Il apprend qu'il est atteint d'un cancer de la gorge. Dans les mois qui suivent, d'autres cas se déclarent chez de nombreux verriers. Plusieurs sont emportés par la maladie. Pourtant, aucun ouvrier ne fait le lien avec son passé à l'usine. En vérité, ils sont perplexes. Encore loyaux à leur entreprise qui les a fait vivre pendant des années, ils n'arrivent pas à croire qu'elle les fait maintenant mourir. Mais les chiffres sont édifiants. Sur 200 ouvriers qui ont travaillé à l'usine, près d'une centaine a contracté un cancer. L'enquête peut démarrer. Une enquête difficile au cours de laquelle ces ouvriers vont devoir prouver qu'ils sont victimes avant qu'on ne cherche les coupables. Mais revenons sur ce 15 janvier 2003, une date terrible pour les Verriers-de-Givors, la fermeture. Ce jour-là, il fait un froid glacial à Givors. Dès 4h du matin, les verriers arrivent sur le parking de l'usine. Parmi eux, Christian Cervantes, le leader CGT de l'entreprise. C'est avec émotion qu'il revêt son bleu de travail. Depuis 3 décennies, il répète les mêmes gestes. Dans la chaleur étouffante de la verrerie, il fait face à 500 gouttes de verre rougeoyant qui tombent chaque minute dans les moules. Ce sont les futurs pots destinés à l'industrie agroalimentaire. Avec son pinceau enduit d'huile minérale, il n'a qu'une fraction de seconde pour graisser les moules. Mais aujourd'hui, c'est la dernière fois. Devant les journalistes de France 3, les ouvriers sont dépités. La verrerie crache ses derniers pots et c'est eux qui seront en poste à l'heure de l'arrêt définitif. J'ai pas envie de me lever. Je vais récupérer mes boulots aujourd'hui. C'est le dernier jour. On doit arrêter normalement à 6h et puis on verra comment ça va se passer, quoi. Bah aujourd'hui on va arrêter le fou, hein. Si vous voulez faire, c'est la loi. Seul dans le local de la CGT, ce futur pré-retraité se prépare aussi au rendez-vous. 22 mois de combat syndical oblige, son bleu ne sert plus que dans les grandes occasions. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que je le mets, ça depuis 34 ans, à 15 jours près. Voilà, c'est les larmes aux yeux presque. Le four numéro 8 lui mettra peut-être une semaine à se refroidir, mais tout est déjà fini. À 6h30 précise, le four s'éteint. Le verre en fusion ne coulera plus. Un buffet pourtant était prévu. Les verriers reçoivent tous un petit pot en verre fabriqué pendant la nuit. On peut y lire l'inscription « Givor 1749-2003 ». À l'ouverture de la verrerie, Louis XV prévoyait seulement 20 ans de production. Eh bien, l'usine aura vécu près de 254 ans. Alors pour la ville de Givor, cette fermeture, c'est un drame économique et social. Après avoir perdu au fourneau dans les années 60, puis plusieurs usines à partir des années 80, la ville devient un symbole de la mort de l'industrie en France. Dans cette commune qui compte plus de 15% de chômeurs, le coût est dur à encaisser. Pour le maire, communiste Martial Passy, c'est une partie essentielle du patrimoine industriel de la ville qui disparaît. Pour beaucoup, c'est aussi l'histoire familiale qui s'achève. Côté ouvrier, il y a l'exemple de la famille Grimaldi. En 1916, un enfant de 11 ans est embauché à la verrerie. Près de 100 ans plus tard, c'est son arrière-petit-neveu Jean-Pierre Grimaldi qui assiste à l'extinction du four. Dynastie également côté patronal. Elle a d'abord marqué la région avant de s'imposer dans le monde entier. En 1864, Jean-Baptiste Neuvesel rachète la verrerie de Givor. 130 ans plus tard, en 1994, son descendant donne naissance, suite à différentes acquisitions, au géant de l'agroalimentaire, Danone. Pot en verre et yaourt, bouteille et eau gazeuse, ce chef d'entreprise a choisi de vendre à la fois le contenant et le contenu. Et ce chef d'entreprise s'appelle Antoine Riboud. Il a la fibre sociale et les ouvriers de Givor gardent un bon souvenir de ce grand patron français qui n'hésitait pas à partager une bouteille de vin rouge avec eux. C'était un temps où le secteur secondaire créait de la richesse et parfois organisait la vie sociale. En 1996, Antoine Riboud donne les clés à l'entreprise Danone à son fils Franck. Le nouveau patron connaît bien la maison, il y a travaillé depuis 15 ans. C'est lui qui va concrétiser le virage opéré par le groupe industriel en se concentrant sur l'agroalimentaire. L'industrie du verre n'est plus la priorité de Danone. Franck Riboud veut se débarrasser même de ses verreries et si possible en réalisant des profits. Pour cela, il va avoir recours à un montage financier lucratif appelé achat avec effet de levier, le fameux LBO, une méthode complexe en plusieurs étapes. Dès 1999, Danone va rassembler toutes ses filiales d'emballage dans un nouveau groupe appelé BSN Glasspack. Dans le même temps, un fonds d'investissement spécialisé dans les achats-ventes à visée spéculative va créer la société Glasspack à coût de participation basée au Luxembourg, réputée pour être un paradis fiscal. Cette société, qui n'a qu'un capital de 7 millions d'euros, va racheter 56% de BSN Glasspack à Danone pour 230 millions d'euros, soit 30 fois son capital de départ. C'est ça qu'on appelle l'effet de levier. On prend le contrôle d'une entreprise en contractant une dette énorme qui sera remboursée par cette même entreprise. BSN Glasspack, qui doit désormais rembourser des sommes astronomiques, va devoir restructurer et donc licencier. En juin 2003, Danone revend toutes ses parts à la holding luxembourgeoise. Puis, cette holding revend à son tour, moins d'un an plus tard, BSN Glasspack à la multinationale du verre Oy Manufacturing pour plus d'un milliard d'euros. En 5 ans, Franck Riboud, le patron de Danone, a réussi son coup en toute légalité, tout en empochant une belle plus-value. Pourtant, les verriers de Givor n'étaient pas dupes. Dès 2001, ils défilaient dans les rues de la ville pour sauvegarder leur emploi. Au micro de France 3, les manifestants expriment leur colère. Les salariés de la verrerie de Givor en tête de cortège, un 1er mai au goût amer pour tous les employés de cette entreprise spécialisée dans la fabrication des pots en verre. Il y a un mois, ils ont appris la fermeture de leur usine. 317 emplois sont directement menacés. Surtout, une fermeture quand... vous savez qu'on fait des profits, que l'usine de VMC fait des profits, c'est franchement lamentable. Un jour, votre mari est en vacances, il reçoit un coup de fil, on lui dit « ça y est, aujourd'hui c'est terminé, l'usine ferme ». Est-ce qu'on peut trouver ça normal? Est-ce qu'on peut admettre des choses comme ça? Non, on n'admet pas. Tout va mieux pour qui? Pour quelques actionnaires qui ont des dividendes très importants. Et tout va moins bien pour les salariés, donc ça, c'est inacceptable. Ce 1er mai, le slogan fuse. Sa cheminée fumait déjà en 1789, ses fours grondaient toujours sous la commune. Givors, ouvrier, ne se couchera pas devant Ribou. Ou encore, contre la dictature des actionnaires. Les Verriers ne comprennent pas qu'on puisse fermer une usine rentable. Parfois divisés, la CGT et la CFDT se réunissent en intersyndicale. Les communistes, qui tiennent la mairie de Givors depuis 1953, s'associent à leur lutte. Et le 9 octobre 2001, André Gérin, député PC du Rhône, défend la cause des ouvriers de la verrerie devant l'Assemblée nationale. Mais rien n'y fait. Christian Cervantes et ses camarades perdent la bataille. Des ouvriers sont reclassés dans les autres verreries du groupe, d'autres partent en pré-retraite. Seule consolation, ils ont obtenu la cession d'un local pour installer leur association. Ce lieu jouera un rôle essentiel dans la seconde bataille qu'ils s'apprêtent à livrer, faire reconnaître leur maladie professionnelle. Un an après la fermeture de l'usine, nous sommes en 2004 et Christian Cervantes est habitué à sa vie de pré-retraité, vélo, jardinage, bricolage. Il se rend souvent au petit local de l'association des anciens verriers. Ici, on vient boire le café ou l'apéro, on discute entre camarades et tout le monde se soutient, les retraités comme les reclassés. Mais en septembre 2005, la vie de Christian bascule. Lors d'un rendez-vous médical, il apprend la sentence, cancer de la gorge. Le professeur le rassure, on ne meurt plus du cancer, enfin, pas toujours. Mais on n'en ressort pas indemne. Christian perd définitivement l'usage d'un bras et sa nuque reste figée. Et puis la chimiothérapie remplace les loisirs. Et les dépassements d'horaires plombent le budget du ménage. C'est le début d'une vie de souffrance pour Christian et sa femme, Mercedes. Au printemps 2009, une autre tumeur est découverte. Nouvelle opération et nouveau coup dur. Christian ne peut plus s'exprimer distinctement. Mais il n'est pas un cas isolé. Autour de lui, les anciens verriers sont aussi frappés par le cancer. Les malades et les morts s'accumulent sans qu'aucun ouvrier ne réagisse. C'est Mercedes Cervantes, la femme de Christian, qui va tirer de la sonnette d'alarme en juillet 2009. Après l'annonce de la mort d'un énième camarade lors d'une réunion, elle interpelle tous les verriers. J'étais assise, je me vois encore sur mes escaliers. Il y avait tous les verriers, on parlait. Et je me suis levée et j'ai dit « Mais vous êtes en train de... Alors le mot, excusez le mot, vous êtes en train de crever et vous n'y voyez rien ?» Mon mari, il m'a regardée. Il est à côté de moi, il m'a regardée. Je me suis levée, il m'a dit « Qu'est-ce que tu racontes, toi ?» J'ai dit, il y a encore un mort, mais vous n'êtes pas en train de vous rendre compte que vous êtes tous en train de mourir les uns après les autres. Vous ne vous posez pas de questions ? Mercedes ne supporte plus de voir mourir ses hommes. Elle veut lancer une enquête, interroger les verriers en leur transmettant un questionnaire détaillé. Christian a accès au listing des anciens ouvriers, mais il refuse de participer à cette action. Car on ne met pas en cause la verrerie, mais oui, question de loyauté. Il avait l'habitude de dire d'ailleurs « Tu ne mords pas la main qui t'a nourri, mais à celle qui t'a empoisonné », aurait-on pu lui rétorquer. Mercedes s'adresse alors aux autres ouvriers. Encore des refus. Personne ne veut attaquer l'usine. Sauf un homme, Laurent Conon. Il n'est pas verrier, mais ce syndicaliste CGT est un compagnon de lutte de longue date. Moustache blanche, casquette vissée sur la tête, cet imprimeur à la retraite aime apprendre. Ce militant communiste a d'ailleurs obtenu un diplôme de doctorat en gestion, remis en main propre par Yvon Gattaz, le patron des patrons. Dès 2001, Laurent Conon, l'érudit, va aider Christian Cervantes pendant la longue bataille contre la fermeture de la verrerie. 8 ans plus tard, il se lance dans une étude épidémiologique avec sa femme Mercedes. Il ne connaît rien en maladie professionnelle, mais le défi l'intéresse. Christian accorde tout de même son soutien à l'initiative et transmet les adresses des anciens verriers. Mercedes et Laurent envoient alors un questionnaire détaillé sur les postes occupés et l'état de santé des ouvriers. Sur 645 questionnaires envoyés, 208 sont retournés. Et les chiffres sont alarmants. 100 cancers, 40 morts. Laurent Conon détaille les résultats de son enquête dans le documentaire « Perdre sa vie à la gagner ». Je viens de publier l'étude sur laquelle on travaille depuis de nombreux mois pour rechercher tous les produits toxiques qui ont été utilisés dans la fabrication du verre. On arrive maintenant à 55 produits qui sont classés cancérogènes. On a 10 fois plus de cancers chez les verriers que dans le monde du travail en France. À 60 ans, on en a déjà la moitié qui sont décédés. Un jour d'été 2009, Laurent Conon reçoit un rapport anonyme. Le document n'est pas confidentiel, mais il va orienter l'imprimeur vers la bonne piste. Cette enquête, réalisée par un expert en environnement, montre que le site de la verrerie est pollué, tellement pollué, qu'il est interdit de construire quoi que ce soit dessus. Laurent dresse la liste de tous les polluants. Un pas de plus. Il se rend alors au local de l'association et va demander aux anciens verriers de se remémorer tous les produits chimiques qu'ils utilisaient. La liste des suspects s'agrandit. Les noms sont aussi compliqués que l'enquête à mener. Acrylamine éthoxylée, percoréthylène, aluminosilicate vitreux et autres noms barbares, des noms de tueurs. Après avoir rassemblé toutes ces preuves, Mercedes Cervantes et Laurent Conon envoient une lettre aux autorités pour obtenir une reconnaissance collective de la maladie professionnelle. Mais la loi ne prévoit pas de reconnaissance collective, justement. Tout doit se faire au cas par cas. Les verriergivores vont devoir défendre des cas individuels, mais ils font le faire tous ensemble. D'abord sceptique, Christian Cervantes est désormais convaincu qu'il faut se battre, comme en témoigne sa lettre de 2012 adressée au ministre de la Santé de l'époque, Xavier Bertrand. Je me bats surtout pour que quelqu'un s'intéresse enfin à nous, à mes collègues encore exposés qui crèveront comme nous si personne ne fait rien. Certes, nous reconnaître victimes de notre travail aura des conséquences financières pour des personnes responsables. Mais pour nous, le coût est humain. Combien de familles meurtries par un départ prématuré, parfois foudroyant, quelques jours entre l'annonce de la maladie et le décès? Combien d'ouvriers blessés dans leur chair? Combien de gâchis? Trop. Beaucoup trop, à notre humble avis. Il est temps que les choses changent, sinon demain, nos enfants, nos petits-enfants, susceptibles d'occuper les mêmes emplois que nous jadis, subiront le même sort. Mais nous ne sommes rien, rien des hommes, sans grand intérêt, sans grand pouvoir, qui, malgré toute leur bonne volonté et leurs multiples actions, se voient confrontés à des lettres mortes, à des murs sans oreilles et à des problèmes sans réponse. C'est pourquoi, monsieur le ministre, j'ose croire que vous saurez faire la différence et mettre votre humanité au service de notre action, pour qu'enfin nous puissions dire un jour « plus jamais ça ». Car se taire, cela serait cautionné. Et pour ma part, au contraire, je diffuse largement, car je ne veux pas être le co-assassin de mes camarades. Un mois après l'envoi de cette lettre, le 21 janvier 2012, Christian Cervantes meurt des suites de ses deux cancers. Après plus de 4 ans de combats judiciaires, sa maladie n'a pas été reconnue comme maladie professionnelle. Mais pour Mercedes, Laurent et les verriergivores, la lutte continue. Pour obtenir la reconnaissance d'une maladie professionnelle, tout démarre avec un formulaire, le 60-39-50. La démarche est complexe, car il faut obtenir le certificat d'un médecin. Le problème des verriergivores, c'est qu'ils ont été exposés à plus d'une cinquantaine de produits CMR, cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. Suivant le poste occupé, le nombre d'années passées à l'usine, le patrimoine génétique, ce ne sont pas les mêmes cancers ou maladies qui se développent. Certains sont touchés au poumon, au foie, au cerveau, à la gorge, d'autres à l'intestin. Or, il existe en France une liste précise de maladies professionnelles. La formule est cruelle, mais pour ces ouvriers, il y a les bons et les mauvais cancers. Pour l'ancien verrier Joseph Dintrono, atteint d'un cancer bronchopulmonaire, la démarche va aller vite, grâce à une substance, l'amiante. En effet, lors de sa fermeture, l'entreprise BSN a délivré à certains ouvriers un certificat d'exposition à ce produit. Et il se trouve que Joseph possède ce document. Et puis le poumon renvoie à la responsabilité de l'amiante. Ainsi, Joseph va-t-il réussir à faire reconnaître sa maladie professionnelle ? Lors de son rendez-vous avec la représentante de la Sécurité sociale, il éclate en sanglots en évoquant les conditions de travail à la verrerie. Sa femme recevra le précieux sésame 3 semaines après la mort de Joseph. La maladie va plus vite que l'administration. Elle emporte jour après jour les verriergivores. Certificat médical, formulaire d'attestation d'exposition, les pièces à rassembler sont nombreuses et le parcours administratif est un parcours du combattant. Et puis, ces experts médicaux, ce qu'ils peuvent être expéditifs parfois. Et Mercedes, dont le courage n'a d'égal que le cynisme des procédures administratives et judiciaires, va poursuivre la lutte. En octobre 2013, elle témoigne dans un reportage sur France 3. Elle a demandé au chirurgien, après, qui nous dit, vous savez, moi, non, je fais pas tout ça. Vous savez, déjà, on est débordé par le travail, donc non, on s'occupe pas de ça. Et on revient à la charge avec le médecin traitant qui, finalement, nous fait un certificat. Voilà. J'ai envoyé 1 kilo de documents à recommander pour que ça arrive à temps. C'est le chemin de croix. Hein. Dans tous les sens. Hein. Parce qu'il faut se dire qu'en même temps, il faut gérer la maladie, il faut gérer les rendez-vous, il faut gérer les médecins, il faut gérer les chimios, il faut gérer le quotidien. Et puis tous ces papiers-là, c'est au bout d'un moment, c'est épuisant que vous n'en vous pouvez plus, quoi. Dans leur combat face à l'assurance maladie, les ouvriers vont enregistrer un soutien qui va changer la donne. Devant sa télévision, Marie-Christine Cabrera entend parler des verriers de Givors dans un reportage. Elle est touchée par leur sort. Infirmière dans une entreprise industrielle, militante syndicale, elle va venir leur proposer son aide. Marie-Christine connaît une méthode spécifique pour déterminer les substances cancérogènes auxquelles ont été exposés les travailleurs. Il s'agit du curriculum laboris, une sorte de CV médical qui pourra être présenté devant un tribunal. Pour chaque ouvrier, on interroge, on enquête, on recoupe. Un travail méticuleux pour savoir qui a été exposé et à quoi. Ce protocole a été élaboré par un groupement scientifique parisien. Sa fondatrice est la sociologue de la santé Annie Thébaumoni. Selon elle, pour gagner leur combat, les verriers de Givors ont besoin de 4 éléments. Il faut rester mobilisé, avoir un soutien des scientifiques, un écho médiatique et un bon avocat. Ces éléments, les ouvriers les ont presque tous rassemblés. En 2013, 10 ans après la fermeture de l'usine, les verriers de Givors sont toujours unis, les médias commencent à s'intéresser à eux, ils ont désormais un conseil scientifique. Ne manque plus que le grand avocat. Ils vont trouver l'homme de la situation. Il s'appelle François Laforgue. C'est lui qui a fait condamner Monsanto une carte de visite comme un label. 2 septembre 2014, il fait grand beau sur Givors. Les verriers sont encore rassemblés, plus que jamais en lutte. Mais au tribunal, cette fois. Et Mercedes est présente avec sa fille Marlène. Elles ont apporté une banderole et une pancarte sur laquelle on peut voir la photo de leur père et mari défunt, Christian. Aujourd'hui, les ouvriers se rendent à Lyon pour un procès au Conseil des Prud'hommes. Ils sont plutôt confiants, car au mois de mai, un tribunal a reconnu que leur camarade Christian était bien décédé des suites d'une maladie professionnelle. Ce jour-là, ils sont nombreux à venir demander une réparation financière pour un préjudice d'anxiété. Autrement dit, la peur d'être frappé par le cancer. Préjudice d'anxiété, le mot peut paraître dérisoire pour ces anciens ouvriers qui meurent les uns après les autres. Mais en France, pour ce genre d'affaires, il est presque impossible de passer par la voie pénale. C'est souvent trop compliqué de prouver que c'est bien l'exposition à une substance cancérogène qui a provoqué le cancer. Avant même de chercher les coupables, les ouvriers doivent donc prouver qu'ils sont victimes. Car sans victime, pas de crime. Et sans crime, pas de procès. La seule solution reste donc celle des prud'hommes, où les ouvriers ont l'avantage de pouvoir lancer une procédure collective. Ce jour-là, ils sont 60 à demander réparation. Habitués aux combats syndicaux groupés, les verriers se présentent devant le tribunal avec la même détermination que dans une manif. L'autre enjeu de l'audience, c'est la délivrance de certificats d'exposition à des substances cancérogènes. Face à eux, une multinationale américaine, Oil Manufacturing, leader mondial de la bouteille en verre. Même si cette société n'a jamais employé les verriers Givors, c'est elle qui est attaquée en tant que repreneur de BSN Glaspack. Dans un reportage de France 3, Laurent Conon explique pourquoi les ouvriers veulent obtenir des certificats d'exposition. D'abord pour les vivants, qui en principe sont en bonne santé. Ça leur permet d'obtenir un suivi post-professionnel par rapport aux produits auxquels ils ont été exposés. Ensuite, ça permet à ceux qui sont malades d'obtenir la reconnaissance en maladie professionnelle. Ça permet de couvrir les frais de soins du cancer dans de meilleures conditions qu'avec le régime général. Et puis, troisièmement, pour ceux qui sont hélas décédés, c'est aussi pour les veuves d'obtenir une meilleure pension pour assurer les charges de famille. À l'audience, François Laforgue, l'avocat des verriers, est opposé à sa consœur Joama Frangimoukanas, avocate de la multinationale. Les deux se connaissent, ils se sont affrontés plusieurs fois depuis une quinzaine d'années. Maître Frangimoukanas est notamment l'une des avocates du groupe d'amiante Eternit France, qui a toujours réussi à échapper à un procès pénal. Dans la salle, l'ambiance est tendue. L'avocate expose ses arguments. Pour elle, les huiles de graissage ne sont pas en elles-mêmes cancérogènes. Elle les qualifie même d'huile propre. Alors une voix se fait entendre, juste derrière elle. « Oui, c'est même bon pour la santé. » Un autre verrier enchaîne. « Qu'est-ce qu'elle y connaît, celle-là? Elle y a travaillé ?» Les verriers sont impatients que justice soit rendue. Mais le Conseil des Prud'hommes ne prendra pas de décision ce jour. Il faudra attendre plus d'un an et demi pour une nouvelle audience. Le 2 février 2016, les verriers se retrouvent une nouvelle fois dans la cour intérieure du Conseil des Prud'hommes. 13 ans après la fermeture de l'usine, ils sont encore solidaires, réunis autour de leur avocat, François Laforgue, qui va devoir contrer les arguments de la défense, ce dont il s'explique sur France 3. Dans cette usine, c'était des conditions de travail particulièrement dégradées. Ils étaient exposés, surexposés à l'amiante dans tous les ateliers, quel que soit le poste de travail occupé. Et aujourd'hui, eh bien, on demande légitimement des attestations d'exposition à l'amiante pour tous les salariés concernés, parce que ils ont tous été exposés d'une façon ou d'une autre à l'amiante, et également les attestations d'exposition à d'autres produits cancérogènes. 3 mois plus tard, c'est la douche froide, le drame. Toutes les demandes des verriers de Givors sont rejetées. Le juge a repris le raisonnement de l'avocate de la multinationale américaine et le jugement est implacable, tout autant que révoltant pour les ouvriers. Le Conseil des Prud'hommes refuse en effet d'accorder les dommages et intérêts ainsi que la délivrance des attestations d'exposition car celle-ci n'est pas prouvée. Or, seules les attestations qui n'ont jamais été délivrées pourraient prouver l'exposition aux substances. Bref, c'est l'impasse. Affligée, Mercedes a sa propre idée de la punition qu'elle souhaiterait infliger aux responsables. Il me donnerait, je ne sais pas moi, des milliards et des milliards, je t'assure que ce n'est pas ce que je veux. Moi, tu sais ce que je voudrais? Un fusil. Et le patron devant moi. 7 ans malade? Eh bien, tu vas rester 7 ans à le soigner, jour et nuit, comme moi je l'ai soigné. Je pense que là, ça leur ferait... Parce que c'est long et c'est court. Mais c'est plus long que c'est court quand ils sont malades. Et là, ils verraient, peut-être un petit peu, les dégâts qu'ils font. Ils verraient ce qu'ils gâchent. L'histoire des verriers Givors est remplie de cruauté sociale. Elle pointe du doigt ce système qui permet la fermeture d'une usine rentable et qui ne reconnaît pas les risques que certaines d'entre elles font courir à leurs salariés jusqu'à la mort, parfois. Un fléau d'ailleurs qui dépasse le seul cas des verriers Givors. Le combat de Mercedes Cervantes et des verriers a montré toute cette absurdité antisociale. De ce point de vue, le combat des victimes n'a pas été vain. Ce qui fait dire à l'avocat Maître Laforgue que l'impunité offerte aux industriels est un permis de tuer. Un jour puissant puis mille, et des ailes dans les yeux, fuis la route, suis le fil du soleil dans mes cieux. Raison rouge pour médaille, une bataille. Je passe, je passe. Quoi mon talent, mon écorce, quoi mes forces, le chagrin a pris sa route. Moi je doute encore. Quoi mon talent, mon écorce, quoi mes forces, si demain ma route vire de bord, je te tendrai la main. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les verriers de Givors avec notre invité Pascal Marie-Chalard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue et historien, chercheur au CNRS. Vous suivez le combat des verriers de Givors depuis 2013 et vous avez publié un livre relatant leur histoire intitulé tout simplement « Qui a tué les verriers de Givors » aux éditions La Découverte. Alors nous sommes en pleine actualité puisque vendredi se tiendra le procès en appel du procès qu'on a raconté tout à l'heure et qui n'a pas donné satisfaction aux verriers. Qu'est-ce qu'on peut en attendre tant on voit à quel point cette histoire, c'est le combat du pot de terre contre le pot de fer ? Eh bien... Je veux dire, est-ce qu'ils ont des raisons d'être optimistes, les verriers, là, aujourd'hui ? Alors, les verriers ont eu un premier succès que vous avez mentionné, qui est la reconnaissance des tumeurs de Christian Cervantes, de manière posthume, comme maladie professionnelle. Et c'est un succès judiciaire, d'une certaine façon, puisque pour la première fois dans l'histoire judiciaire en France, la notion de polyexposition à des cancérogènes a été reconnue comme un facteur aggravant. Cette polyexposition à des produits cancérogènes a été reconnue par une certaine branche de la justice, et aujourd'hui, les verriers demandent à une autre branche de la justice de leur donner les attestations d'exposition à tous ces produits cancérogènes. C'est quoi les deux branches et les prud'hommes, et puis et l'assurance maladie, et ce qu'on appelle le tribunal des affaires de sécurité sociale. Absolument, absolument. Alors le procès qui va avoir lieu ce vendredi, donc c'est un procès d'appel. Les 60 verriers demandeurs de l'indemnisation du préjudice d'anxiété vont se rendre ensemble en bus depuis Givors, comme ils ont l'habitude de le faire le matin. Et ce qu'ils essayent de faire valoir, c'est que le contrat de travail n'a pas été respecté. C'est pour ça que c'est à la base devant les prud'hommes. Mmh. Puisque dans le contrat de travail, il a marqué que l'employeur, d'après la loi, n'a pas le droit d'exposer ses salariés à un environnement de travail dangereux pour la santé. Il considère que cette obligation n'a pas été respectée. Et qu'est-ce qu'ils demandent comme indemnisation? Ils demandent l'indemnisation de leur peur de mourir. Oui, préjudice d'anxiété, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire le fait que, par exemple, ils doivent repenser leur plan pour leur retraite. Imaginez, si vous voulez s'acheter une résidence secondaire dans un endroit où il fait beau, si vous voulez s'acheter un camping-car, etc. Il faut qu'ils repensent toutes ces choses-là en se disant, peut-être que la maladie va frapper dès l'année prochaine, peut-être que je vais être bloqué là, peut-être que ça va me coûter très cher. Et donc, il faut que j'abandonne ça. Alors, il faut voir que ça n'a rien de dérisoire, un préjudice d'anxiété, bien sûr, mais par rapport aux morts déclenchées par le cancer, déclenchées lui-même par une exposition, enfin, tels sont les termes de la plainte, ça paraît plus ça paraît important aussi, non? Alors, bien sûr. Et en fait, à la base, donc les verriers sont en quête de justice dans cette affaire. Ils ont l'impression d'avoir été floués. Mmh. Et ils ont essayé d'abord des voies plus classiques. Ils ont essayé notamment la voie pénale. C'est-à-dire, normalement, on n'a pas le droit d'exposer quelqu'un à un poison connu, alors qu'on avait la possibilité de ne pas l'exposer à ce poison. Normalement, c'est quelque chose qui est traité par les cours pénales. Or, la voie pénale est bouchée. Et donc, c'est les avocats, leurs avocats, qui rivalisent d'imagination pour essayer de trouver d'autres voies pour néanmoins obtenir des décisions de justice qui pourraient satisfaire, assouvir un petit peu leur quête de justice. Et on n'est pas dans l'esprit de notre justice, puisque là, il faut que les victimes prouvent qu'elles sont victimes. Donc c'est encore plus difficile. Exactement. Alors, les verriers de Givors, et plus généralement les personnes qui sont victimes de mauvaises conditions de travail, qui deviennent malades à cause de ces mauvaises conditions de travail, elles sont confrontées à ce paradoxe. C'est que quand elles arrivent devant les cours de justice, elles ont l'impression que c'est bon, ça va être facile, la justice va être rendue, puisque il est évident que les précautions n'ont pas été prises, qu'ils ont été exposés à des poisons. Mmh. Il y a toutes les preuves, on a une certitude absolue sur ces choses. Les archives historiques le montrent, les documents du médecin du travail à l'époque, etc. Or, que leur demande la justice en général? De reprouver pour chacun d'entre eux, dans leur cas individuel, qu'il y a un lien de causalité entre leur maladie et les poisons auxquels ils ont été exposés. C'est-à-dire, dans les articles médicaux, on a prouvé que ces conditions de travail étaient dangereuses, mais eux, il faut qu'ils reprouvent individuellement, alors qu'en plus, eux-mêmes ne sont pas médecins, ne sont pas épidémiologistes, ils n'ont pas cette compétence, cette expertise. Alors, double peine, hein, rappelons-le, on l'a dit dans le récit, mais cette entreprise a fermé, elle est sur le carreau des salariés, on est passé d'un capitalisme paternaliste à un capitalisme purement spéculatif, et alors, c'est à la fois un paradoxe et pas un paradoxe, c'est que les verriers ont mis du temps avant de s'attaquer à leur ancienne entreprise. Alors, malgré les portes qui ferment, le LBO, ce rachat par LBO, c'est purement spéculatif. Eh bien, au début, ils ne se sont pas attaqués à l'entreprise parce qu'on ne s'attaque pas à la main qui vous a nourri. Alors ça, c'était l'entreprise paternaliste. Ben, très bien, sauf qu'elle est devenue spéculative. Donc, c'est une position qui est à la fois un paradoxe et pas un paradoxe qu'on peut comprendre. Oui, bien sûr. J'ai essayé de tenir ça tout le long dans mon livre. Oui, c'est pour ça que je vous en parle. Voilà, c'est-à-dire c'est cette contradiction qu'ils vivent et qui est souvent n'est pas reconnue par le reste, par le grand public, par les chercheurs, par les politiques. On peut à la fois être attaché à son travail et le dénoncer comme un travail d'esclave, de galérien, avec des conditions de travail horribles. Et la mutation qui a eu lieu dans le capitalisme, donc que vous évoquez, c'est une mutation très importante. Donc depuis les années 80, en gros, et la dérégulation financière qui s'est mise en place progressivement, qui a fait que les gens qui prennent les décisions savent de moins en moins quelle est la réalité du travail qui est effectué dans les usines ou dans les entreprises. Et pourtant, ils prennent des décisions très importantes pour le quotidien de ces salariés, mais ils leur imposent des objectifs totalement irréalistes, totalement absurdes, qui n'ont rien à voir avec la réalité de leur travail. Et les verriers ont petit à petit compris que ils pouvaient s'attaquer à ces personnes qui prenaient les décisions sans remettre en cause leur travail, la fierté qu'ils avaient à faire bien leur métier. Voilà, que ce n'était pas contradictoire. Même, je dirais que les verriers se sont rendus compte à la fin qu'ils étaient les derniers, sans doute, à en avoir quelque chose à faire de leur travail. C'est-à-dire que quand l'entreprise a été fermée en 2003, pour eux, c'était la preuve qu'on pouvait fermer une entreprise très rentable, historique, où on faisait du très bon travail, pour des motifs purement financiers. Et eux étaient les seuls à essayer de sauvegarder l'outil de production. On va écouter Dire Straits, qui chantait à une époque Industrial Disease, maladie industrielle, une chanson de circonstance. On se retrouve juste après. Straits sur France Inter, Industrial Disease, maladie industrielle. Bien, nous y sommes avec cette affaire des verriers de Givors et avec d'autres invités. Pascal Marie Chalard, je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre que j'ai entre les mains et qui s'appelle Qui a tué les verriers de Givors. Alors, vous dites que c'est une enquête sur l'enquête d'ailleurs. Comment ça, une enquête sur l'enquête? Eh bien, quand je suis arrivé, donc, en fait, à la base, j'ai noué un partenariat avec l'association des anciens verriers de Givors. Qui cherchait des personnes qui pourraient faire des recherches, qui pourraient les aider dans leur démarche. Moi, j'aurais proposé, regardez, moi, je peux faire une étude historique sur les conditions de travail dans la verrerie, ça fera progresser la science sur cette question. Et après, vous en ferez ce que vous voulez, dans un sens ou dans l'autre. Enfin, vous êtes libre de ça. Et quand je suis arrivé, je me suis rendu compte qu'en fait, une grande partie de l'enquête avait déjà été faite. Avait déjà été faite par les personnages que vous avez cités dans le récit, qui est Laurent Gounon, Mercedes Cervantes et d'autres. Bien sûr. Qui avait trouvé des archives, qui avait interrogé les anciens verriers, qui avait recoupé les témoignages, et qui avait réussi à donc identifier les principaux poisons auxquels ils avaient été exposés, poser la question des responsabilités, de l'organigramme, etc., et faire le lien avec les maladies. Alors moi, j'ai essayé d'apporter quelque chose d'autre. c'est-à-dire avec mes compétences à moi, de chercheur en sciences sociales, sociologue, historien, c'est-à-dire poser des questions plus générales qui intéressent les sociologues et les historiens, comme par exemple, comment se construit la responsabilité et l'irresponsabilité dans le monde du travail aujourd'hui. On peut parler de construction sociale de la responsabilité, et dans ce cas ici, de construction sociale de l'irresponsabilité. Bien sûr. C'est quelque chose d'historique qu'on peut retracer au début du 19e siècle, où petit à petit, toutes ces affaires sont sorties du champ du pénal, de la justice pénale, et est advenue cette idée que la justice, dans ce genre d'affaires, c'était de donner une somme d'argent forfaitaire aux victimes. Vous avez un cancer, on vous donne 20 000 euros, et voilà, vous êtes indemnisé, justice a été rendue, c'est fini. Voilà. Et vous nous fichez la paix. Voilà. En gros. C'est une victime qui n'a pas été reconnue n'est pas une victime encore officiellement, et une victime qui a été reconnue n'a plus le droit de se dire victime puisqu'elle a été indemnisée. Donc elle doit se taire. Et la question de la punition, de l'identification des responsables, de la punition éventuelle, et la question de la prévention aussi, pour que le poste ne tue pas les prochains salariés qui vont y être exposés, ça, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de ce pack justice qu'on propose aux victimes. Alors, dans votre livre, vous évoquez un grand procès de l'amiante qui a eu lieu en Italie. Des responsables ont été traduits devant la justice pénale, hein, je dis bien pénale. On peut quand même espérer qu'un jour en France, la justice pénale statue sur ce genre d'affaires. Après tout, les voisins le font, donc ça peut être aussi une influence, pour le coup, positive. Il faut toujours espérer, mais dans le cas italien, on pouvait compter sur deux éléments qui n'existent pas encore dans le cas français. Premièrement, l'indépendance du parquet. Et le parquet a été volontariste pour faire avancer ces procédures, alors que dans le cas français, on a un parquet qui, malheureusement, est celui toujours qui appelle au non-lieu, à l'annulation des procédures qui ont été initiées. Et deuxième chose, en Italie, ils ont réussi à trouver des articles dans leur code pénal qui n'avaient pas été beaucoup utilisés, qui punissaient non pas sur la vertu de la causalité, c'est-à-dire on ne demandait pas de prouver que l'exposition avait causé la maladie de la victime, mais qui punissait simplement l'exposition. C'est-à-dire, dire, vous exposez à des poisons, en soi c'est un crime. Et là, on peut très facilement arriver à un degré de certitude pénale de proche de 100%, comme il est demandé par les cours de justice pénale. Alors que sur la causalité, c'est toujours beaucoup plus difficile. Alors, il apparaît qu'aujourd'hui, les conditions de travail n'ont pas changé dans les verreries, ou si peu, ou trop peu. Je crois que vous avez visité des usines, hein. Vous pouvez nous décrire la situation actuelle ? Alors, bien sûr. J'ai visité, par exemple, une verrerie du groupe OI Manufacturing qui se trouve à Puy-Guillaume, donc c'est vers Clermont-Ferrand. J'ai été surpris par le fait que beaucoup des conditions de travail qui avaient été décrites par les verriers de Givor, donc dans la verrerie qui a été fermée en 2003, étaient restées à peu près les mêmes, notamment les brouillards d'huile dus au graissage des moules de verrerie. C'est ce que faisait Christian d'ailleurs, hein, je voilà, crois. C'est-à-dire, ouais. Voilà, il travaillait à ce qu'on appelle la production, il est devant les machines, il faut imaginer, c'est des grosses machines en fonte, dans lesquelles chaque seconde tombent des sortes de gouttes de verre en fusion. Et il avait une fraction de seconde pour réagir à chaque fois. Voilà, une fraction de seconde pour mettre son pinceau dans le moule, pour asperger d'huile, et cette huile part tout de suite en brouillard. Et il baigne là-dedans toute la journée et il rentre avec à la maison. Et même les femmes de verrier racontent que c'est même difficile souvent. Il faut trouver des shampoings spéciaux pour enlever l'huile de leurs cheveux parce que sinon ça reste pendant des jours et des jours. Donc il y a des risques qui sont comme ça qui continuent à exister. Et il y a également des nouveaux risques, des risques qui se sont déplacés. C'est-à-dire ? Alors par exemple, l'automatisation de certaines tâches comme ce qu'on appelle le choix, c'est-à-dire le tri pour voir quels bocaux, quelles bouteilles ont des défauts. Fait qu'il y a des ouvriers qui vont être en travail isolé, vont être tout seuls au milieu d'une immense chaîne. Et si jamais un jour il leur arrive un malaise, peut-être qu'on ne va pas les trouver avant plusieurs heures, une demi-journée, etc. Parce que personne ne le temps d'être bien intoxiqué, en voilà. Plus. Deuxième chose, au nom de la dépollution, au nom de la protection de l'environnement, on a mis en place à Puy-Guillaume des filtres sur les cheminées qui filtrent tous les produits cancérogènes. Or, ces filtres, ils doivent être nettoyés tous les quelques mois. Et là, on fait appel à des entreprises sous-traitantes. Et donc, ce sont des gens qui arrivent et qui sont dans un petit milieu confiné et qui doivent gratter tous les pires produits cancérogènes, voilà, qui respirent comme ça. Et voilà. Mais ce risque est beaucoup moins visible. Il intervient sur une société sous-traitante qui intervient ponctuellement, etc. Pourtant, les verriers de l'usine de Puy-Guillaume se battent pour améliorer également le quotidien de ces ouvriers des sociétés sous-traitantes. Alors justement, puisqu'on parlait des verriers, on va entendre la voix d'un verrier qui témoigne dans le documentaire intitulé « Perdre sa vie à la gagner ». Il me montre des images filmées en cachette quelques jours plus tôt dans la verrerie. Bah ça, donc tu te sers de ta main pour rentrer donc assez rapide, tac, tac, pour graisser tes fonds. Tu es obligé, voilà, de la tenir et reculer un petit peu au fur et à mesure parce que sinon, te mettre la main de protection devant la figure parce que ça te brûle les lèvres. Vu que tu as un retour, tu as des pôles qui passent, des bouteilles passent devant toi, minimum, cela devait être au moins 400 ou 500 degrés. 400 degrés devant, à ras le ventre. Quand on a un peu d'expérience, souvent on graisse en plusieurs étapes et en apnée. Donc tu te bloques un peu la respiration et moi c'est ce que je fais souvent. Et tu vas graisser, une, deux, trois, tu respires. S'il n'y a pas trop de fumée, tu respires un peu, tu reprends trois, quatre. Ça t'évite de trop en prendre. Mais il y en a, ils foncent dedans et ils respirent tout quoi. Après, je pense qu'avec les années d'expérience, t'essayes de limiter un petit peu les produits toxiques comme ça quoi. Ça t'enlève toujours un petit pourcentage de moins dans les poumons, on va dire. Qu'est-ce que ça vous évoque? Des choses que vous connaissez tant, puisque vous avez enquêté. Bien sûr. Mais et là, c'est par la voix de quelqu'un qui le vit. Quoi. Voilà, c'est un ouvrier de Puy-Guillaume, justement, et ce témoignage est accablant. Et voilà, vous voyez que la seule méthode de prévention que les verriers ont le moyen de mettre en œuvre, c'est quoi? C'est ne pas respirer. Ouais. Il existe d'autres solutions, mais on a beaucoup de marge de manœuvre. Et toutes ces recherches ne disent pas qu'il faut arrêter de produire du verre, par exemple. Qu'il faut arrêter de produire des bouteilles. Il y a tellement de marges de manœuvre qui n'ont pas été explorées, tellement de choses qui pourraient être faites pour la prévention qui ne sont pas faites, puisque cet horizon-là apparaît très secondaire par rapport à des objectifs de court terme, de profit, de rentabilité, etc. Parlez-moi un peu de Mercedes. Parce que cette femme, à travers ce qu'on en a dit dans le récit, a une force incroyable. Mercedes est un exemple de... Donc on rappelle, c'est la femme de Christian, ouvrier et délégué syndical CGT, qui a contracté un cancer et qui est mort. Alors, Mercedes est un exemple de toutes ces femmes qui, en général, sont les premières à se mobiliser dans les affaires de pollution environnementale ou de santé au travail. Santé au travail quand il s'agit de risques touchant des collectifs masculins. C'est quelque chose qui a été montré par beaucoup d'enquêtes. Et Mercedes est quelqu'un qui a une très grande force, très grande ténacité. J'ai été très ému de réentendre les extraits d'entretien, donc des entretiens que j'avais fait avec elle, où elle raconte par exemple ce qu'elle envisagerait comme sanction pour les responsables. Oui. Voilà, je trouve ça... Voilà, cet extrait-là en particulier est émouvant parce que quand elle dit « j'aimerais bien avoir un fusil », là on se dit « ah ben elle veut tuer le patron » ou quelque chose comme ça. Et non, en fait, c'est pas ça. Elle veut juste que le patron soit obligé de subir ce qu'elle a subi, s'occuper d'un quelqu'un de malade pendant 7 ans. Et il y a aussi ses filles qui ont été très actives. Le problème, c'est que, bien sûr, ça touche des familles. On n'est pas en train de parler seulement des salariés, on est en train de parler de toutes leurs familles qui sont victimes bien collectivement. Sûr, mais évidemment, évidemment. Franck Ribou a cédé le poste de PDG à Emmanuel Faber, qui lui s'est lancé dans le bio. Est-ce que cette démarche vertueuse, on peut y voir peut-être un rachat, une réponse? Ou ça n'a rien à voir, je ne sais pas. Alors moi, en tant que chercheur en sciences sociales, j'ai appris à étudier des pratiques et pas seulement des discours, donc attendons de voir. Oui, bon. Et est-ce que vous diriez, comme l'avocat François Laforgue, que l'État, en restant inactif, accorde un permis de tuer aux industriels? La formule est forte, hein? Bien sûr, mais en même temps, justement, une sanction pénale, qu'est-ce que ça ferait? Ça réaffirmerait qu'il y a un interdit. En n'émettant pas ces jugements, on fait comme s'il n'y en avait pas. Donc permis. Voilà. Voilà. Quand vous êtes employeur, vous pouvez vous dire, je ne serai pas embêté si jamais un cancer professionnel se déclare. Merci infiniment Pascal Marie-Chalard. Je rappelle le titre de votre livre, Qui a tué les verriers de Givor, une enquête de sciences sociales. Ça c'est en sous-titre, mais sous-titre c'est souvent important. C'est aux éditions La Découverte. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les verriers de Givor, une émission préparée par Adrien Mora, que nous remercions. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Roland Maé qui était à la technique. Aujourd'hui, demain, nous évoquerons les leaks sous toutes leurs formes.